Pour dire « bon alors » ou « bon dans ce cas », on utilisera « nam ». « Na », doigt noir pointé vers le sol. « Nam », point fermé pour « me ».« Nam », pour dire « bon » dans ce cas. « Na » est le même que celui de cela ? Oui, c'est vrai, c'est le même caractère, le même ton et la même prononciation que le « na » de cela. Donc ici, on ne dit pas simplement « bon », mais « bon dans ce cas ».« Na », « nam », qui signifie « bon alors ». Dites-vous que parfois, quand on fait la chasse aux fantômes, il arrive que l'on rencontre une belle âme, une âme gentille, en insistant sur le « e » final, une âme, parce qu'elle est vraiment très gentille. Bon alors, qui est cet homme-là ? Commencez par « bon alors ». Nam. Cet homme-là. Nak. Ren. Et qui ? Shi. Shei. Bon alors, qui est cet homme-là ? Nam. Nak. Ren. Shi. Shei. Oh, c'est mon ami. Celui-là est mon ami. Oh. Na shi. Woda. Peng yo. Comment dites-vous je? Wo. Oui, wo. Comment dit-on mon? Wo de. On prononce wo de. Oh, c'est mon ami. Oh, na shi wo de peng yo. Maintenant, traduisez la question. A-t-il un professeur? Ta. A-t-il un professeur ? Ta yo yige lao shi ma. Une fois encore, le un ou le une est facultatif, donc c'est à vous de décider. De toute façon, vous entendrez les deux. Donc, à la question « A-t-il un professeur ?», la réponse peut être « Oui ». Il en a un, ou bien tout simplement oui, qui se dit yo. Maintenant, traduisez la question. A-t-il un professeur de chinois? Alors, il a ta yo. Professeur de chinois plus le mot interrogatif. Zhong wan lao. Ma. Comment dites-vous, professeur? Lao. Shi. Lao. Shi. Lao. Shi. A-t-il un professeur de chinois? Ta yo. Zhong wen. Lao. Shi. Ma. Alors vous répondez non ou ne pas avoir. Mais. Yo. Non. Mei yo. Comment direz-vous? Tu as dit qu'elle est française. Dans ce cas, vous savez tous deux parler le français. Alors commençons par tu as dit qu'elle est française, une personne française. Tu as dit, mais comment on va faire une phrase au passé? Alors pour a dit, nous pouvons employer le même verbe que nous avons utilisé pour dire. Parce que bien souvent, le contexte déterminera si nous parlons du présent ou du passé. Nous allons apprendre des manières spécifiques pour indiquer les changements de temps. En réalité, le chinois n'a pas de passé, de présent et de futur. Il a une manière particulière d'indiquer ces éléments. Mais pour le moment, le contexte est un excellent indicateur. Donc, vous avez posé une très bonne question. Alors, tu as dit qu'elle est française, ce que vous traduirez par... Tu dis, elle est personne française. Ni shuo ta shi fa guo ren nam. Et donc, arrêtons-nous juste un instant. Quel est le mot pour dire dans ce cas? Bon alors. Rappelez-vous, Parfois, quand on chasse les fantômes, on rencontre une na. Je sais qu'il y a na dedans. C'est juste. Donc, qu'est-ce qui vient après a? Une âme. C'est exact. En insistant sur le e final, parce qu'elle est vraiment très gentille. Nam. Le vous pluriel. Vous savez tous deux parler le français. Niemen. Ho. Alors il faut un toboggan. Ah oui. To. Ho. Ah non. Hué. Chou. Fawen. Tu as dit qu'elle est française. Dans ce cas, vous savez tous deux parler le français. Ni shuo ta shi fa guo ren. Nama ni men dou hui shuo fa wen.